je serai toujours là. C'est une promesse que j'ai faite là, comme une caresse. Les mots du cœur sont merveilleux. Je sais, l'amour s'appelle nous deux. Je connais ton cœur, je connais ton corps par cœur. Même quand tu blesses, c'est la tendresse qui pleure. Faut que je te dise à tout moment, j'ai peur, si peur de me brûler le cœur. Je m'arrêterai pas. Et tout te dit, ça me fait du bien. Je t'ai toujours dit la vérité, celle d'aujourd'hui a tout changé. C'est le grand homme qui a décidé. Du reste, il a fallu. Je m'arrêterai pas d'aimer. Quoi qu'il arrive, je sais. Te mentir, ça me sert à rien. Et tout te dire, ça me fait du bien. Je m'arrêterai. Lying is my way to keep these feet walking around, while my soul instead has found a way to reach your ground. How can I stand alive with only half a life? How can I love so hard with only half a heart? Where do I go from here? How do I breathe in here? I guess it must. pas la lueur.